en direct du cerveau de Mathieu Plante. Voici Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons la droite chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Je m'appelle Mathieu Plante, je suis animateur / méga vedette ici à C'est fou. Faut l'apprécier, faut le savoir, faut le dire, faut le reconnaître. Ouais. D'habitude, on commence l'émission un petit peu plus relax, tu sais, de la musique calme pour ensuite monter. Mais je me suis dit aujourd'hui, montons directement au sommet. Hein? Commençons ça en force. Voici le nouvel album de Dee qui s'appelle Day by Day, la pièce hot. Écoutons la donc, la chanson à la radio campus de Trois-Rivières. Le 89 FM, c'est fou ça! I'm gonna Écoutons-la donc, la chanson, c'est l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante, animateur / méga vedette de C'est fou. Ouais, pas obligé de rire quand même. Pete Moss et She's So Crazy de l'album Pete Moss Presents Sober on Strike Episode 3. Juste avant, c'est Kevin Thompson avec Attitude Polaire, entre parenthèses, ta tronche. On a débuté avec Dee et Hot de son nouvel album Day by Day. Ben, en fait, c'est des pièces que j'aime bien. Hein? Les deux premières sont dans le palmarès anglophone de C'est fou en ce moment même. On va passer à un bloc un petit peu plus francophone, je dirais. Hein? Ce serait un bon mot pour décrire ça. Il va y avoir les Winter Myths, étrangement, dans le francophone. Mais on commence avec Buanderie Jazz d'Automélodie. Écoutons la donc, la chanson. Je suis dans le vent.

Paris, on arrive. Donc, c'était Ariel avec Chargé. C'est très bon, ça. C'est récent, c'est nouveau. C'est pas encore sur le palmarès. Peut-être un jour. Avant ça, c'était les Wintermits avec En Avion de leur album Heirloom. On a débuté avec Automélodie et Buanderie Jazz. Un simple de cette formation assez intrigante qui s'appelle Automélodie avec une drôle de pochette d'album avec des fers passés, des laveuses, des symboles spéciaux. Tu reconnais pas ce symbole, Mathieu? Oui, je les reconnais, mais... Ah bon, mais c'est pas spécial, alors. C'est juste qu'ils ont une passion particulière pour le repassage. Ben oui, mais moi, tu vois, le lavage n'est pas une passion. Pour moi, je mettrais pas ça sur une couverture si je faisais un album. D'accord. C'est pas genre. Mais je trouve ça intriguant. Mm. C'est spécial. Bon. Vous avez reconnu ma conscience qui se joint à moi. Elle se réveille des fois un petit peu tard dans l'émission. Oui, je suis un peu... j'ai fait la grasse matinée pas mal à toutes les semaines, finalement. mais c'est la slush cette semaine, mettons ton excuse. La slush qui mouille les pieds, qui nous rend malades. Mais c'est pas grave, je suis quand même ici pour discuter avec Mathieu la partie corporelle de toi-même. De moi-même. Mm. Donc, on le répète, Mathieu, animateur / méga vedette de Sifu. Ma conscience qu'il y a une nouvelle coupe de cheveux, c'est beau. Oui, ah, merci beaucoup. Félicitations. OK, on retourne en musique. Donc, on va entendre Vanessa Parietta, Exil. Écoutons-la donc! La chanson. Ouais. 89.1 FM. Ouais. Ouais. Vraiment? Ouais. Ah ouais. Hey, tellement, hein? Mm. Et on fait vraiment comme dans les radios qui parlent par-dessus toute l'intro de la chanson, hein? On aime pas ça, mais ça paraît. A pinprick on a paper continent. The page. Library Voices et la pièce Step Off the Map and Flow de leur album Hunting Ghosts and Other Collected Shorts. Avant ça, c'était Ruby Coast avec More Than Television de l'album Projectable Collections. Et ce sont deux pièces qui sont dans les palmarès de C'est Fou. Et More Than Television, ça vient juste d'entrer, c'est tout nouveau. Et on avait entendu ça au poste d'écoute et puis on est en moi. Là. Je, oh ouais. Ouais, c'est ça. Toi et moi, finalement. Et puis j'avais beaucoup aimé et puis je suis très heureux de voir ça dans le palmarès. Excellent. Très excellent. Prochain bloc. Dans le prochain bloc, une découverte apportée par ta conscience. Oui, j'aime ça, ça. Mmh. Donc, ça va être Ben Marino et de l'album The Sea and the Bees. Ce sera la pièce American Patriot. Donc, on va écouter ça avec du Malajub aussi. Je pense que ça peut un petit peu se rapprocher. C'est pas le même genre, mais ça peut quand même bien se mixer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. On va essayer ça. Ouais. Ouais. Et quoi d'autre aussi en troisième? Chose. Quelque chose, ouais, on ne sait pas. Surprise. Encore. Hein? D'accord. On commence par Ben Marino, juste pour voir. D'accord. OK, ça j'aime marche. Ça. Okay. Écoutons-la donc. La chanson. Assez fou, 89.1. FM. La radio Campus de Trois-Rivières. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cestfou.ca. Pen to the paper. Ici, écoutons la chanson Parler ou Parlaver, parce que le U est écrit en V. Très jolie comme musique, c'est des musiques entraînantes, j'aime ça. Il y a beaucoup de P aussi dans le titre. Oui, Pen to the paper. Ouais. C'est postillonnant un peu. Oh, on aime ça beaucoup des P. Bon. Avant ça, c'était Malajoub. Ouais. Malajoubi avec le crabe de l'album Trompe-l'œil. Et juste avant, la découverte de ta conscience, Mathieu, c'était le groupe Ben Marino de l'album de Sea and the Beast, la pièce American Patriot. C'est un très beau jeu de mots, ça. J'apprécie. Ben Marino, comme dans Dan Marino, le joueur de football. Hein, tu connais ça? J'ai comme des gens qui me regardent qui font comme... Avec des beaux yeux de poisson. C'est qu'il est dans une pub de diète là, par rapport aux États-Unis. Ah, d'accord. C'est pas ça que je le connais. Ah. Ça passe par-dessus la tête de tout le monde. Ouais, tout on le monde aime ça, les pubs de diète, nous autres. Oui, puis tout le monde aime mes références par rapport. Ouais. Bon. C'est pour ça qu'on t'écoute, Mathieu. Ben, crime, faut bien qu'il y ait une raison. Certainement pas parce que je suis bon, hein. C'est juste parce que je fais des jeux mots plates. OK, donc on termine la première heure avec la musique de Block Party. Et puis on se retrouve après pour une deuxième heure d'écouter la chanson, hein. Ouais, tout ça sur C'est Fou. 89.1 FM. Oh yeah. Mercury's in retrograde. Mercury's in retrograde. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la Donne, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur, barre oblique, méga vedette de C'est Fou. Et à mes côtés, Hein, une personne qui... une entité, on pourrait dire. Une entité avec une nouvelle coupe de cheveux. Oui, tout à fait, il faut le rappeler. Est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre en parlant à la radio? Non. Non. Non, tout ce genre de questions qu'on a, on ne doit pas poser à une autre personne. Non, du tout. Non. Donc, cette deuxième marque va être complètement folle. Hein? Hein? À la radio, on peut se permettre d'être fou des fois. Ouais. Oh, ça fait-tu une belle référence ben au oui. nom de la station? 89.1 FM. C'est fou! Hey. Oh, j'aime ça, Mathieu. C'était cœur. Hey, c'est génial. Voilà. On va commencer avec un beau petit bloc, là, des plus divertissants, je te dirais. Il va y avoir du Winter Gloves là-dedans. Ça va être du palmarès anglophone, vous allez voir. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on passe beaucoup de palmarès, il me semble. À date, il me semble, c'est pas mal juste du palmarès. Ben ouais, mais c'est bon. On aime ça. Ben il est oui, bon, le palmarès, c'est fou. Ben oui. Pourquoi pas en profiter? Why not peanut? Exactement. Ah. Ouais. Alors, on va commencer avec... ouais, je sais. Ouais. Non, c'est pas grave. On arrête ça. Chad Van Galen et Willow Tree. Tout de suite. Écoutons-la donc. La chanson. Sur les ondes aussi fous, 89.1 FM. La Radio Campus. De Trois-Rivières. Dans vos oreilles. consulter les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. Appliquer les freins sur une route maganée, déminée par le doute des lieux mal éclairés. T'as manqué une courbe et le short a craché. Tu traverses la neige, le pare-brise qui casse. Et ton corps aussitôt illico projeté, par-delà quelques vrais, quelques accélératés. Jeté hors de temps, toi ta caisse renversée. Prends le volant, la route et puis le champ. Traverser le verre comme on sort de sa mère. Vu la somme des entorses, vu le sang sur le corps. Ton âme flanche et divorce. Si j'étais là, je te parlerais tout bas. J'ai une chambre et une voix. Pour ton corps en finir, jusqu'à ce que tu t'endormes. Parmi l'eau crayonnée, l'aquarelle incendie, t'es bercé par le vent sur un lit. Et partout sous ta peau, le sang a dessiné des fleurs fanées, des chrysanthèmes qui bronzent. Et on fait un gros plan sur ton corps en fadesse. Le pare-brise que tu mâches, et mes diarrhées font commun à la route. Tes yeux brûlés, car heurtés en boutique dans les archipels de verre, heurtés par l'oubli et l'absence de lumière. Le sang des entorses, le sang sur les glaces, dans la blanche des L'accident. The Scare Mika, ça vient de leur maxi TNT conifère. Juste avant, c'était Winter Gloves avec Let Me Drive de l'album About a Girl. On a débuté avec Chad Van Galen avec Willow Tree. Les deux premières sont dans le palmarès de ses fous en ce moment. Et puis, Escar Mika, c'est un classique des palmarès. Et j'ai bien aimé particulièrement la première pièce. Ouais. Je trouve ça super bon. Elle était bien plissée dans le bloc. Ah, bien plissée. Chad Van Galen, ouais, c'est très, très bon. C'est relax, c'est très différent du reste du palmarès. Ouais, mais moi, c'est le genre de chose qui me plaît justement ouais. Quand c'est différent. Donc, tout à fait. Je trouve ça très agréable, même que je pense que peut-être je vais la réécouter. Ouais, ouais. Sûrement l'album au complet, ça vaudrait la peine. Ouais. La peine qu'on fixe. Ouais. On veut qu'on jase de musique. Ah, ben on aime ça. Parlant de jaser de musique, une deuxième découverte musicale qui va s'en venir ultérieurement. Mm-hmm. Donc, je ne peux dire quand, mais... Tout à l'heure, tout probablement. À l'heure. Donc, ce sera la formation, je vous annonce tout de suite en grande primeur, pourquoi pas, la formation Oryx Bandits de l'album And the Battle Begun, qui est leur dernier qui est sorti

Yeah. Hey, on se fait envahir par des navires, des paquebots, des bateaux. C'est vraiment beau, ça. On vient d'entendre une très bonne formation qui s'appelle Royal Arch. Oui, c'était génial. Aurore Boréale est le nom de la pièce. Juste avant, c'était la formation RX Bandits avec Apparition de leur album And the Battle Begun. Et on a débuté avec la pièce Comme des enfants de Cœur de Pirate. Vous êtes à Écoutons la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur baroblique méga vedette de C'est fou. Vous savez, une fois de temps en temps, ma conscience aime aller se coucher un peu. Vous savez, parce que c'est épuisant quand même pour une conscience de parler à la radio. C'est pas n'importe qui pourrait faire ça. Je la félicite. On va entendre une pièce de l'album, en fait, du maxi Fall, de la formation de Great Outdoors. Fall, ça veut dire automne. On est rendu l'hiver. Vous allez voir, ça fait quand même un petit peu d'ambiance. J'aime bien. Voici 10,000 Baby Birds. Écoutons-la donc, la chanson. We'll be right back. Fat Boy Slim avec un remix de Pierre Henry. C'est la pièce Psyche Rock, Fat Boy Slim, Calypso Malpass Mix. Juste avant, c'était The Great Outdoors avec Fall. Et ça, c'est leur album avec la pièce 10,000 Baby Birds. On continue tout de suite avec un dernier bloc pour cette émission. Voici Jax Mannequin et Crashin. Écoutons la don, la chanson. Hein? C'est... Swim for the music that saves you when you're not so sure you'll survive. You gotta swim, and swim when it hurts. The whole world is watching, you haven't come this far to fall off the earth. The currents will pull you away from your love. Just keep your head above. Sisters and brothers and friends. Yeah, you gotta swim through wars without cause. Swim for the lost politicians who don't see their greed as a flaw. The currents will pull us away from our love. Just keep your head. Mama, I'm not a little friend. If this is really what I'm wrong, I must be strong to take. Artist of the Year avec la pièce Velours Brigade, pièce titre de leur plus récent album. Ici, écoutons la dernière chanson. Juste avant, c'était The Bicycles avec Won't She Be Surprised, pièce que j'adore d'un album très bon, Oh No, It's Love. Et on a débuté avec la pièce Swim de l'album The Glass Passenger de Jax Mannequin. Si quelque chose vous échappe, vous avez entendu quelque chose, vous voulez savoir qu'est-ce que c'était, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a aussi la balado-diffusion de l'émission à chaque semaine, www.unechance.com. Moi, je vous retrouve au Palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir les vendredis soirs à 17h. Et dans le poste d'écoute, où on découvre toutes les nouveautés musicales ensemble pour la première fois. Ça, c'est les vendredis matins à 10h. La semaine prochaine, on est de retour à écouter dans la chanson en direct les lundis matins à 10h. On rappelle les jeudis à 9h. Ce qui suit le lundi, restez là. Hein? Il est tellement beau et tellement fin. C'est Marc Perrière avec Tête d'affiche. Ça commence dans quelques minutes. Ce qui nous suit le jeudi, c'est La Sécheuse. Et ensuite, c'est Cool d'être ensemble à partir de midi. Restez là pour ça. Et passez une très, très belle semaine. Hein? Tu sais, pensez pas que je prends pas soin de vous et que je vous aime pas. Hein? Je vous souhaite une bonne semaine. Comme une envie soudaine de crier ton nom tellement.